choc, choc, choc. Parti. Retour en fantarque n'est pas mort, son sous oh, oh, oh, oh, oh. Qui voulait me ken, maintenant ma top qui t'a pleuré. Glo, oh, oh, oh, oh. Si vis passe, me parabelle, je offre un choc, oh, oh, oh, oh. Barrage de coups, multiclonage, j'aimerais te voir. Glo, oh, oh, oh, oh. Faut que j'arrête de dire des gros mots, motherfucker. Le mec dans le miroir m'a dévisagé, m'a dit sur mauvais moment, tout est assagi. Fais-le pour les nôtres, comme un paysagiste. Y'a trop de gens malveillants, c'est surréaliste. Frigongo, j'suis pas libre, leur donne ta vie, te couper les vies. Slave mentality, chains et carottes, Bugs Bunny. Grille sous les gencives, l'identité de la récidive. C'est pas ce qu'on m'a appris dans les livres. Mon blanc, l'histoire, j'ai écrit. Mon peuple à la dérive, jusqu'à ce qu'il s'émancipe. Maintenant ma tête qui t'a pleuré. Glo, oh, oh, oh, oh. Si vis passe, me parabellum, je offre un choc, oh, oh, oh, oh. Barrage de coups, multiclonage, j'aimerais te voir. Glo, oh, oh, oh, oh. Faut que j'arrête de dire des gros mots.